Piste 19. Exercice 9. J'aime, tu aimes, il aime, elle aime, ils aiment, elles aiment. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, ils parlent, elles parlent.